الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue la traduction et les quelques commentaires sur le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi رحمه الله et une explication de Cheikh Abdullah Al-Bassam رحمه الله تعالى. Durant le cours dernier, on a expliqué trois hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, ou quatre hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, les deux hadiths d'Abu Hurairah, et le hadith d'Aisha, radiyallahu ta'ala anha, qui sont les hadiths 70, 71, 72, 71, 72, 73 et 74. Qui se propose pour nous réciter le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Na'am, tafadhal. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Maymuna fa qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa salla min al-layl fa aqama an yasarih fa akha فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. نعم أحسنت. حديث أبو هريرة. Qui se propose avant d'imposer. نعم منير. نعم نور الدين الحسن كشنا بخير الحديث عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه إبراهيم Ibrahim. C'est grave ça. Nazir. Ama yakhsha. Il n'y a pas de shadda. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwala. أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه صورته صورة حمار. أحسنت بارك الله فيك. خذي حديث أبو هريرة الوطا حفظ. تفضل أخي. ما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواه البخاري ومسلم. نعم أكمل حديث عائشة أنتخفاج. نعم حديث عائشة كي رسمبل سلويسي. برسن سليم كي بسوفي لونر متتندي سليم ونرسيتي لدني حديث عائشة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك. نعم فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. نعم فأشار إليهم أن أجلسوا. نعم فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. أحسنت بارك الله فيك. طيب الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده رواه البخاري ومسلم. Le 75e hadith, selon Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari, qu'Allah Azza wa Jalla agréé, il dit Al-Bara ibn Azib m'a informé, et ce n'est pas un menteur, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait Sami'a Allahu liman hamidah, personne d'entre nous ne baissait son dos jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prosterné, puis nous nous prosternions après lui. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith, thumma naqa' bil-raf'i ala al-isti'naf, wa laysa ma'tufan ala yaqa' al-oula al-mansouba bi-hatta, idh laysa al-ma'na alayh. المعنى الإجمالي يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في الصلاة فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا وحينئذ يقعون بعده ساجدين. دونك ensuite, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, explique pourquoi est-ce que, dans la parole de Al-Bara ibn Azib, il dit « Thumma naqa'u bi ar-raf'a » en disant que il commence la phrase et que ce mot n'est pas lié au verbe « yaqa' » qui a été dit précédemment. Le sens général du hadith. Le rapporteur de ce hadith, qui est véridique, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait ses compagnons pendant la prière. Et les actes de ceux qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient accomplis après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait son acte. De telle sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, lorsqu'il se relevait du rukou, à savoir de l'inclinaison, il disait « Sami'a Allahu liman hamida » puis « Thumma rafa'a ashabuhu ba'dahu »« Thumma rafa'a ashabuhu ba'dah habata sajida » puis lorsque ses compagnons se levaient ou se relevaient de l'inclinaison après lui, ils se prosternaient. Et ce n'est qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit prosterné que aussi se prosternait après lui. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan, sifatu mutaba'ati al-sahaba lil-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-salah. Wa annahum la yantaqiluna min al-qiyami ila al-sujudi hatta yasjud. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est la description de comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière. Et qu'ils ne se prosternaient pas qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit prosterné. Thaniyan, annahu yanbaghi an takuna al-mutaba'atu hakada, fala tataqaddam al-imam, fa innahu muharramun yabtulu as-salah. ولا توافقه فإنه مكروه ينقص الصلاة ولا تتأخر عنه كثيرا بل تليه مباشرة. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, que c'est ainsi que doit être le suivi de l'imam. Tu ne dois pas le précéder, car ceci est interdit et annule la prière. Tu ne dois pas faire les gestes en même temps que lui, car ceci est détestable et abaisse la récompense de la prière. Et tu ne dois pas également être en retard vis-à-vis de lui, mais tu dois le suivre de suite. C'est-à-dire, lorsqu'il a fait son âge, tu dois le suivre de suite. Lorsqu'il se prosterne, tu te prosternes. Lorsqu'il s'incline, tu t'inclines. Salifan. في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع وهذا بالنسبة إلى المأمومين أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. Troisièmement, dans ce hadith il y a la preuve que la sérénité et la quiétude qu'il y a lorsque tu te relèves de ton inclinaison est longue. Et ceci concerne ceux qui prient derrière l'imam. Quant à l'imam, sa quiétude et sa sérénité après s'être relevé de l'inclinaison est prouvée dans d'autres hadiths. Quelle est la preuve que la quiétude et la sérénité est longue lorsque tu te relèves de recours? En ce hadith. Ils ont entendu que le prophète soit totalement en sujoud. Non, Hassan, ils ont attendu, car ils attendent que le prophète soit totalement prosterné pour pouvoir eux aussi se prosterner après lui, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et at-tuma'nina, c'est le fait que, et ça on l'a vu dans les cours précédents de l'Ouajiz, le fait que chaque articulation retrouve sa place. Donc lorsque tu te relèves de ton inclinaison, il faut que ton dos soit droit et que chaque vertèbre retrouve son emplacement. طيب تنبيه الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة. Et الشيخ البسام رحمه الله fait une remarque en disant que de faire les actes de la prière en même temps que l'imam, les actes ainsi que les paroles, est quelque chose de, et on l'a vu, de détestable. Sauf concernant takbirat al-ihram. Car la prière ne peut avoir lieu que par celle-ci. Si tu dis takbirat al-ihram en même temps que l'imam, est-ce que c'est ton imam? Est-ce qu'on peut concevoir que tu entres en même temps dans la prière que ton imam? Non. Si tu le suis, c'est que il doit te précéder dans l'entrée de la prière. Si tu le suis, c'est parce qu'il est rentré avant toi et pas en même temps que toi. طيب الحديث السادس والسبعون ال76 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ال76 حديث selon أبو هريرة رضي الله عنه. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit amin, et lorsque l'imam dit amin, dites amin, car celui dont le ta'min aura coïncidé avec le ta'min des anges, alors lui seront pardonnés tous ses péchés passés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. Du'a'u fatihati al-kitab huwa ahsanu al-du'a'i wa anfa'u. لذا شرع للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة إلا وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب فلا يفوتها إلا محروم. Le sens général du hadith. Les invocations qu'il y a dans le sourate qui ouvre le livre, Al-Fatiha, fait partie des invocations, des meilleures invocations et de celles qui sont les plus bénéfiques. Ainsi, il a été légiféré aux prieurs, qu'ils soient imams ou qu'ils prient derrière l'imam ou qu'ils prient seuls, de dire Amin après ces invocations. Car le ta'min, le fait de dire Amin, est le sceau de l'invocation, est le tampon de l'invocation. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné que lorsque de dire Amin, lorsque l'imam dit Amin. Car c'est à ce moment que les anges disent Amin. Et celui dont le Amin coïncide avec le Amin des anges, lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. Et ceci est un butin immense et une occasion en or, qui est le fait que ses péchés soient pardonnés par une cause aussi simple, et ne manque à cela que celui qui est privé du bien. اختلاف العلماء, divergence des savants. ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام. وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه. وذهب الشافعي وأحمد إلى الاستحباء إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا وغيره. وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصل وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين لأن الأمر يقتضي الوجوب. La divergence des savants. L'imam Malik, rahimahullah, dans une des deux versions qui ont été rapportées de lui, est de l'avis que le ta'min n'est pas légiféré pour l'imam. Et il a expliqué le hadith que l'on traite actuellement, que lorsque l'imam arrive au moment où il faut dire Amin, et il n'a pas voulu dire par là lorsque l'imam dit Amin. C'est-à-dire, l'imam Malik a compris de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam arrive au moment où il faut dire Amin, et que l'imam n'est pas considéré ou n'est pas impliqué dans cela. Et l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, eux considèrent, rahimahum Allah, qu'il est préférable de dire Amin pour chacun des imams, de ceux qui le suivent et de ceux qui prient seuls, en se basant sur ce qui apparaît du hadith qui est avec nous et d'autres hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-Zahiriyya, ceux qui prennent ce qui apparaît à chaque fois du hadith, considèrent qu'il est obligatoire de dire le ta'min pour chaque prieur. وهو ظاهر الحديث في المأمومين. Et c'est ce qui apparaît du hadith concernant ceux qui prient derrière l'imam. لأن الأمر يقتضي الوجوب. Car l'ordre signifie l'obligation. Le prophète Hassan me dit, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Et il considère que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que c'est quelque chose d'obligatoire. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. أولا مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. Ce que l'on retient du hadith. Premièrement, qu'il est légiféré de dire Amin pour chacun des imams, de ceux qui prient derrière lui et de ceux qui prient seuls, c'est-à-dire lorsque tu pries seul chez toi ou à la mosquée. ثانيا, إن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que les anges disent Amin suite aux invocations des prières. Et ce qui apparaît, c'est que les anges qui sont concernés par ce Amin, ce sont les anges qui assistent à cette prière, parmi les anges qui sont sur terre et ceux qui sont dans les cieux. Et Il a été utilisé pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous dit Amin et que les anges qui sont dans les cieux disent Amin et que les deux coïncident, alors Allah pardonne les péchés passés. » Hadith, comme je l'ai dit, rapporté par Al-Bukhari, mais également rapporté par Muslim et An-Nasa'i, rahimahumullah. Thalithan, fadilatu al-ta'min, wa annahu sababun fi ghufrani al-dhunub, lakin inda muhaqqiqi al-ulama, anna al-takfira fi hada al-hadith, wa amthalih, khasun bi saghair al-dhunub, amma al-kabair falabudda laha min al-tawbah. Troisièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est le mérite de dire Amin, et que de dire Amin est une des causes qui font pardonner les péchés, est une des causes par lesquelles Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. Mais chez certains savants, et même chez beaucoup de savants, l'absolution des péchés qui est voulu dans ce hadith et dans d'autres hadiths qui sont similaires à celui-ci sont propres aux petits péchés. Quant aux grands péchés, il faut obligatoirement qu'ils soient suivis d'un repentir. Rabi'an, innahu yanbaghi lid-da'i wal-mu'ammin 'ala ad-du'a an yakuna hadir al-qalb. Quatrièmement, qu'il est demandé à celui qui invoque et à celui qui dit Amin sur une invocation d'avoir une présence du cœur. Comment on devine ça? Comment on devine qu'il faut avoir une présence du cœur? Il faut être attentif. C'est lorsque l'imam dit Amin, et les savants disent lorsqu'il commence à dire Amin, non pas lorsqu'il finit. Certains savants disent lorsqu'il a dit Amin, dites Amin, et d'autres savants disent lorsqu'il dit A, comme Cheikh l'Albani, lorsqu'il dit A, vous dites Amin. D'accord? Lorsqu'il commence, autrement dit, ce que voulait dire le professeur Hassan, c'est lorsqu'il commence à dire Amin, alors dites-vous aussi Amin. Donc il faut avoir une présence du cœur, une personne qui est distraite, qui dans sa prière elle pense à autre chose, est-ce qu'elle risque de ne pas dire Amin juste après l'imam? Oui. Donc, ce hadith prouve que la personne qui prie derrière l'imam, elle doit avoir une présence du cœur, elle doit être concentrée, elle doit avoir une certaine humilité et une concentration dans sa prière. Khamisan. استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه وهذا قول الجمهور. Cinquièmement, l'imam al-Bukhari رحمه الله a utilisé ce hadith pour prouver qu'il est autorisé à l'imam de dire le Amin à voix haute. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le Amin de ceux qui prient derrière l'imam à quoi? Au Amin de l'imam. Il dit « Ida ammana fa aminu ». Lorsqu'il dit « Amin », dites « Amin ». Donc, quand est-ce que ceux qui prient derrière l'imam disent « Amin » lorsque l'imam dit « Amin ». Et cela ne peut être fait ou ne peut avoir lieu que si ceux qui prient derrière l'imam entendent l'imam dire « Amin ». Donc, ceci est une preuve qu'il est autorisé à l'imam de dire « Amin » à voix haute. سادسا وهذا قول الجمهور et c'est la parole de la majorité des savants. سادسا من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببا في الإجابة كالتضرع والخشوع والطهارة وحل الملبس والمشرب والمأكل وحضور القلب والإقبال على الله في كل حال. Sixièmement, que le mieux et ce qu'il y a de meilleur pour celui qui invoque, c'est de ressembler aux anges dans tout ce qui les caractérise, et qui sont des causes dans l'exaucement des invocations, comme le fait d'être humble, d'être craintif, d'être pur, en état de pureté, d'avoir des vêtements licites, de manger licite, de boire licite, d'avoir une présence du cœur et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء رواه البخاري ومسلم والحديث الثامن والسبعون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم. Le 77e hadith. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous préside la prière pour les gens qu'il allège, c'est-à-dire qu'il allège la prière, car il y a parmi les gens le faible, le malade et l'occupé, et lorsque l'un d'entre vous prie seul, alors qu'il allonge, c'est-à-dire la prière, comme il le désire. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le 78e hadith est le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu. Il dit qu'un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: je viens en retard à la prière de Subh à cause d'un tel qui allonge la prière. Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu dit: et je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver dans une exhortation plus qu'il ne l'a été ce jour-là. Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô vous les gens, il y a parmi vous des gens qui font fuir. فَأَيُّكُمْ أَمَّنَّا سَفَلْيُوْجِزْ. Si l'un d'entre vous préside la prière devant les gens, qu'il la fasse de façon brève, car il y a derrière lui le grand et le petit et celui qui est occupé. Rawah al-Bukhari wa Muslim, ou celui qui a une affaire. المعنى الإجمالي جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفي العنة والحرج حمك الله ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرج منها وهم لها راغبون ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل إما لعجزه أو مرضه أو حاجته فإن كان المصلي منفردا فليطول ما شاء لأنه لا يضر أحدا بذلك ومن كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة من أجل الإمام الذي يصلي بهم فيطيل الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله ويكره إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فأيكم أما الناس فليوجز فإن منهم العاجزين وذوي الحاجات. Le sens général du hadith. Cette religion immense et cette religion noble est venu avec la facilité et est venu en niant toute contrainte et toute difficulté. Et c'est pour cela la prière, c'est pour cela que la prière qui fait partie des adorations les plus honorifiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'imam d'alléger celle-ci, afin qu'elle soit simple et aisée pour ceux qui prient derrière lui, qu'ils sortent de celle-ci en voulant y retourner. Et également, car il y a parmi ceux qui prient derrière l'imam, des personnes qui ne peuvent supporter une longue prière, soit parce qu'il en est incapable, ou soit parce qu'il est malade, ou soit parce qu'il a des choses à faire. Et si le prieur prie seul, alors qu'il allonge cette prière comme il le désire, car il ne fera de mal à personne en allongeant cette prière. Et ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le fait d'allonger la prière, un allongement qui porte atteinte aux gens, ou qui les retarde, ou les empêche de faire leur travail. Ce qui prouve cela est lorsqu'un homme est venu le voir, et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il venait en retard à la prière de Subh, en groupe, à cause de l'imam qui, lorsqu'il priait, faisait une prière longue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors énervé, un énervement, un grand énervement, et a dit, il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens de l'adoration d'Allah, et qui leur fait détester la prière, et qui la rend dure et lourde pour eux, si l'un d'entre vous préside la prière devant les gens, qu'il l'allège, car il y a parmi les gens qui prient derrière vous des personnes qui sont incapables, c'est-à-dire de supporter une longue prière, ou ceux qui ont des affaires. اختلاف العلماء. هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول بحيث يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور كالبقرة والنساء والأعراف، ويقرأ بطوال المفصل قاف والطور ونحوهما. La divergence des savants. Il y a des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant longue, de telle sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait takbiratul ihram et une personne avait le temps de partir à al-baqiyah, de faire ses besoins, puis de revenir, de faire ses ablutions et d'avoir ou de rattraper ou d'arriver encore à la première unité de prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des hadiths qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans sa prière, dans la prière obligatoire, des longues sourates de comme al-Baqarah, comme les femmes, comme sourate les femmes, comme sourate al-A'raf, et qu'il priait également bitwal al-mufassal qaf wa tur wa nahwihima, et qu'il lisait également parmi les autres sourates qui font partie des longues parmi les mufassal, qui sont qaf, at-tur et autres sourates également. Wa hunaka hadith sahiha tahuth ala at-takhfif minha hadhan al-hadithan alladhan ma'ana وأنه يقرأ بقل يا أيها الكافرون والإخلاص ونحو ذلك، والناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون، فمنهم من يرى التطويل عملا بأحاديثها، ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد فيها، والحق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة، ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان لا يحدان بحد، لأن الناس في ذلك على بون بعيد أو على بون بعيد، فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة، وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة، فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وصلاته، ويطابق بعضها على بعض، يظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المهتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. إن يدوط حديث أوتنتيك qui suggère et qui encourage et qui ordonne d'alléger la prière. Parmi ces hadiths, les deux hadiths que l'on a cités précédemment. Et des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en lisant « Qul ya ayyuhal kafirun » et en lisant « Surat al-Ikhlas » et des sourates similaires. Et les gens, suite à toutes ces preuves, ont divergé. Les gens, c'est-à-dire les savants, ont divergé. Certains considèrent qu'il est autorisé d'allonger la prière en mettant en pratique les hadiths qui rapportent que le prophète sallam lisait de longues sourates. Et d'autres ont dit qu'il faut en tous les cas alléger la prière en mettant en pratique les hadiths du prophète sallam qui demandent cela. Et la vérité est qu'il n'y a entre ces hadiths aucune contradiction par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous ces hadiths se rejoignent et sont en accord, et que le fait d'alléger ou d'allonger, ce sont deux choses relatives. Ce sont deux choses relatives qui ne peuvent être limitées. On ne peut pas donner une limite en disant Lorsque tu lis tant, alors tu es considéré comme avoir allongé. Ou lorsque tu lis tant, tu es considéré comme avoir allégé. Il n'y a pas de limite, et le fait d'allonger ou d'alléger la prière sont deux choses relatives. Et que les gens à la base sont différents et ont un écart lointain dans ce sujet. Ceux qui se plaignent considèrent que la prière qui est normale est longue. Et ceux qui font partie des gens de l'adoration et des gens de l'obéissance verront cette même prière qui est courte. Ainsi, il faut retourner au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa situation et à sa prière et à réunir et à rassembler l'ensemble de ces situations et ainsi la vérité apparaîtra. Et l'imam al-San'ani rahimahullah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait la prière car il connaissait la situation de ceux qui priaient derrière lui. وأن الأمر بالتخفيف في الصلاة خاص بالأمة. Et que l'ordre d'alléger la prière est propre à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que cela ne le concernait pas sallallahu alayhi wa sallam. ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديثين. Ce que l'on retient des deux hadiths. أولا وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الائتمام. Premièrement, l'obligation d'alléger la prière en groupe lorsqu'elle est présidée. ثانيا غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين وعده هذا من الفتنة. Deuxièmement, l'énervement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ceux qui allongent la prière et le fait qu'il ait considéré cela comme une discorde. Thalithan, جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة. وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. Troisièmement, que l'autorisation d'allonger la prière pour celui qui prie seul autant qu'il le veut est restreinte à condition qu'il ne sorte pas de l'heure de la prière. Car sinon, deux choses se confronteraient. La première qui est le fait d'arranger la prière qui permet à la personne d'avoir une prière complète lorsqu'il prie seul et que cela soit confronté à un mal qui est le fait de prier une prière en dehors de son heure. Donc, de prier ou d'arranger la prière pour celui qui prie seul autant qu'il le veut, cela est restreint à condition qu'il ne sorte pas de l'heure de la prière. Rabi'an, wujub mura'at al-ajizin wa ashab al-hajat fi as-salah. Quatrièmement, l'obligation de prendre en compte ceux qui sont faibles et ceux qui ont des affaires pendant la prière. Khamisan, إنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثر التطويل. Cinquièmement, qu'il n'y a pas de mal à allonger la prière si le nombre des prieurs est restreint et qu'ils ont été habitués à prier longuement. Donc cela est autorisé. سادسا إنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه لأن هذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام. Sixièmement, qu'il est demandé de faciliter aux gens les voies du bien et de leur faire aimer les voies du bien et de les encourager à faire le bien et que cela fait partie de la réconciliation et que cela fait partie du bon appel, à l'islam. On s'arrête ici, inshallah. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. Apprenez vos hadiths pour la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas appris, qu'il ne vienne pas.